ne m'a pas aidé, qui m'a laissé tomber, qui m'a laissé tout seul, ça me fait rien, moi je connais pas la douceur. Je connais pas la douceur, tes promesses, j'en vois pas la couleur. Par contre, j'en sens la douleur, je t'écoute pas, manie, j'ai mes écouteurs. Fais péter les boomers, fais péter, fais honneur. Reste toi-même, moi j'aime pas les commères, j'suis pas une marionnette, non j'aime pas les pointeurs. A deux vins sur le compteur, t'as niqué ta paye, y'a plus rien sur le compteur. T'as plus rien à faire, te voilà en tôle. La maman devant le parloir en pleure, c'est comme des coups de couteau dans le cœur. Comme des coups de couteau dans le cœur. Beaucoup de nos frères sont des acteurs, beaucoup de nos frères sont déserteurs. C'est trop de folles et peu d'hommes dans le secteur. Marseille s'est cramé, y'a de l'essence dans l'instincteur. Marseille oui, s'est cramé, seul dans mon vélo. J'pense à mes bras, ils me parlaient pas. Peu de solutions sont dans mon rétro. J'laisse le mauvais derrière moi. Les 10 ans, ou d'écouter les soi-disant, laisse braver tous les médisants, laisse-les croire qu'ils sont intelligents. Qu'importe les choix, les décisions, j'ai toujours agi selon ma vision. Sans leur rap, j'aurais pu finir en prison, mais depuis le bête, beaucoup sont bizarres. Tu m'as fait du mal, je l'ai pas dit. J'ai tourné la page, j'ai fait ma vie. Je suis trop fier, j'ai du mal à le dire. J'ai comme une maladie. Ton sale avis, maman m'a dit, la vie c'est un combat, jamais rien n'est acquis. N'oublie pas tes racines, ni d'où t'es parti. N'oublie pas d'où tu viens, faut savoir ce que tu vis. Qui ne m'a pas aimé, tu me connais pas mais tu m'as jugé. Je connais le bail, t'es pas le premier. Tout a changé depuis la primaire. C'est trop de folles et peu d'hommes dans le secteur. Marseille s'est cramé, y'a de l'essence dans l'instincteur. Marseille s'est cramé, seul dans le vélo. J'pense à mes bras, ils me parlaient pas. Peu de solutions sont dans mon rétro. Je laisse le mauvais derrière.